tranquille, voire un peu trop. C'est comme si plus rien n'existait. Je suis tout seul, une fois de plus, à attendre que tu veuilles bien rentrer. Dans ces moments-là, je cogite, j'écoute les secondes s'égrener. Quatre horloges dans le salon, tout font tic-tac au taquet. Moi je m'emmerde dans ce monde, tout reste toujours à espérer. Je devrais sortir, voir du monde, me vider la tête, m'aérer. Au lieu de ça, je succombe à des conneries pas fabriquées, enfermées dehors, errant comme une ombre, tout finit par me blaser. Une ville qu'on a attendre, et chaque jour il faut recommencer. Une vie bizarre sans se surprendre. La France dans son support et continue de creuser. Le pire en plus, et c'est un comble, c'est que si je veux vraiment m'intégrer, c'est à moi de faire des efforts pour plaire à ceux que tu connais. Mais très franchement, à leur contact, moi je me fais plus que chier. J'écoute mon discours fumeux pendant que je me retiens de bailler. En plus, leur cuisine est immonde, ils passent leur temps à picoler. Encore une soirée avec eux, et je crois que je vais dérailler. Moi je m'emmerde dans ce monde, tout reste toujours à espérer. Je vais sortir, voir du monde, me vider la tête, m'aérer. Au lieu de ça, je succombe à des conneries pas fabriquées, enfermées dehors, errant comme une ombre, tout finit par me blaser. Une ville qu'on a attendre, et chaque jour il faut recommencer. Une vie bizarre sans se surprendre. La France danse, nous supporte, continue de creuser.